L'exposition internationale des sciences techniques du secteur de meubles et matériels de construction de Pyongyang a commencé le 16 au Palais des sciences et techniques. Le salon exhibe les meubles d'une grande valeur d'usage et multifonctionnel et les matériels de construction verts et fonctionnels, utiles à la santé humaine et à la protection de l'environnement, présentés par une centaine de sociétés de divers pays et régions du monde, y compris la République populaire démocratique de Corée. À la cérémonie d'ouverture ont figuré des fonctionnaires, chercheurs et enseignants des comités, ministères et établissements centraux, des organismes de la science et d'enseignement et des entreprises intéressées, des délégations de divers pays et régions, ainsi que des diplomates étrangers en Corée. Le salon continue jusqu'au 20 octobre.